tarte aux asperges plus crabe, 6 personnes. Pâte brisée, 250 g de farine, 125 g de beurre, une pincée de sel, plus 12 cl d'eau. Garniture, 500 g d'asperges vertes, 3 œufs, 20 cl de crème, 250 g de crabe en boîte et sel et poivre. Foncez le moule à tarte avec la pâte brisée, réservée au frais. Faire revenir les asperges épluchées et coupées en tronçons avec un trait d'huile d'olive 10 minutes. Dans un saladier, battre les œufs, plus crème, plus sel, plus poivre. Garnissez la tarte des asperges le plus régulièrement possible. Intercalez les miettes de crabe entre. Versez la préparation, enfournez 40 minutes à 200 degrés. Servir chaud avec une salade mêlée. Vin conseillé, bandole rosée à boire avec modération.